Bonjour les petits papouins. Vous pouvez pas vous endormir avant que je vous ai raconté une histoire. La marche de l'histoire. Jean Lebrun. La planète des contes, quatrième épisode, Barbe Bleue ou La Chambre Interdite. Je veux rassasier mon âme de sang et de mort. Il est des contes qui viennent combler un vide du monde, jamais le même car les jours changent. Barbe Bleue, c'est plutôt un conte cumulatif. Régulièrement, le monde réel fait apparaître un homme monstrueux. Il se nomme Landru, Petiot, peu importe, et il recharge la rumeur du conte de telle sorte qu'elle bourdonne constamment en nous. Barbe Bleue a donc une abondante postérité. Cependant, son état civil reste mal assuré. Si tant est qu'il y ait une version d'origine, on serait tenté de dire qu'elle rayonne un peu comme le soleil dans la forêt. Un peu partout, des troncs, des branches filtrent et transforment la lumière de manière imprévisible. Les spécialistes s'acharnent à établir qui une classification, qui une morphologie des contes. L'exemple de Barbe Bleue montre que l'enchaînement du récit dans le conte ressemble d'abord au réenchantement constant qu'on peut éprouver en pénétrant de plus en plus profond dans la part de l'ombre. Bernadette Bricou, bonjour. Bonjour Jean Lebrun. Professeur de... littérature orale, vous y tenez absolument. À Paris Diderot, et puis nos auditeurs auront peine à croire que vous êtes aussi vice-présidente, mais oui, de cette université où vous assurez une parole libre sous forme de conférences, d'invitations, de colloques. On vous plaisante de temps en temps, bébé comme Barbe Bleue d'ailleurs. Comme Barbe Bleue, oui. Oui, ben, c'est probablement pas un hasard et ces êtres marqués d'un B ont mauvaise presse puisqu'on dit qu'ils ont affaire avec le diable. Il y a beaucoup de handicaps qui se placent sous le signe du B et le proverbe dit bègue, bigle, bossu, boiteux, ne t'y fie pas si tu le peux. Et que Barbe Bleue, bébé, est affaire au diable ou est à voir avec le diable, c'est ce qu'un grand nombre de versions nous diront. Dites-moi Bernadette Bricou, vous avez apporté des dessins parmi vos étudiants et étudiantes. Il y a des professeurs des écoles et dans cette classe d'une école primaire de Paris qui a planché sur Barbe Bleue, le personnage est toujours représenté avec une barbe bleue, mais on pourrait l'imaginer d'une autre couleur. Un enfant pourrait contredire le mot. Non, parce que d'abord ce bleu est lui-même mystérieux. Il est mystérieux parce que on a essayé d'en donner des interprétations en disant par exemple qu'une barbe noire de jais pouvait au fond être bleue comme la nuit. Mais il y a dans la couleur bleue elle-même quelque chose qui est déjà de l'ordre du merveilleux et un merveilleux qui fascine et qui inquiète. Une étrangeté inquiétante, voilà. Barbe Bleue, ça a été un des thèmes d'un des premiers films d'animation. Les films d'animation en France sont nés dans les années 30. Ici, c'est celui de Jean Painlevé, 1936. C'est monté avec des personnages de pâte à modeler, ce qui devrait vous ravir. Bien sûr. Parce que vous avez un côté, voilà, c'est gros mythe quand même. Et vous allez entendre, c'est chanter. Barbe Bleue. curiosité cinématographique de 1936, on en reprendra une rasade, si vous le voulez bien, tout à l'heure. C'est pas parce que on offre des robes de soie par dizaines, des colliers par centaines, qu'on est nécessairement un seigneur. Non, d'ailleurs, la version de Perrault, qui est quand même la version qui a le plus durablement marqué les mémoires par sa densité poétique, par ses silences, par sa stylisation extrêmement frappante, par ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, la version de Perrault ne dit pas que ce soit un noble. Elle dit qu'il est riche et qu'on ne sait pas qu'il est riche, qu'il a été marié et qu'on ne sait pas ce que ces femmes sont devenues. Mais Perrault ne pouvait pas dire à la cour qui était sa clientèle, que c'était un noble seigneur, ou ça aurait rappelé de trop près, je ne sais pas, l'épisode de Gilles de Rais, maréchal de France, et puissant seigneur dans l'ouest du pays. C'est vrai, Gilles de Rais, maréchal de France, comme vous dites, qui fut brûlé à Nantes pour avoir égorgé plus d'une centaine d'enfants, qu'il avait violé ou sodomisé au préalable. Mais on peut penser, vu le nombre des versions de Barbe Bleue, qui sont considérables, hein, c'est vraiment un conte qui s'est répandu de l'Atlantique à l'Oural, que l'existence de Barbe Bleue est beaucoup plus ancienne que celle de Gilles de Rais. Par ailleurs, on peut reconnaître à Gilles de Rais d'avoir été, à ce que dit l'histoire, un époux correct. Il n'eut qu'une seule femme, Catherine de Thouars, qu'il respecta, on peut le penser, comme un chevalier respectait sa dame. Mais c'est bien la seule chose dont on puisse lui faire crédit à cet égard. Donc le parallèle n'est pas frappant. En revanche, la Barbe Bleue et le sang bleu, Ça a accrédité l'histoire, que peut-être Barbe Bleue était au fond un noble qui cachait sa noblesse, ou qu'en tout cas, il y avait sur sa lignée même une incertitude. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il n'a ni père ni mère, et il n'aura pas d'enfant non plus. C'est un homme sans postérité. C'est un beau parti quand même pour qui l'épouse, parce qu'il est riche, parce qu'il est généreux, parce qu'il peut au premier abord s'avérer correct. Ou bien, est-ce que vous n'avez pas senti ça chez vos étudiantes? Parce qu'il y a quelques perversités à suivre les cours de bébé. Il y a un désir, peut-être, de s'unir à un époux monstrueux, parfois. C'est Jean Delumeau qui disait que le mystère du mal reste le mystère absolu. Et c'est vrai que ce personnage de l'époux monstrueux, sur lequel on me propose très régulièrement des sujets de master, et ce sont en général de très jeunes filles, et souvent de très jolies jeunes filles qui me le proposent, alors que le prince charmant n'a pas la cote, mais ce personnage de l'époux monstrueux fascine. Il fascine parce que c'est l'étrange étranger, parce qu'il nous renvoie aussi, il faut le dire, à ce mystère absolu que représente, au fondement de toute société, le mariage. On quitte son père et sa mère, à qui on était unis par des liens de sang, pour aller épouser un étranger qui va se révéler parfois être celui du secret derrière la porte de Fritz Lang, qui va parfois se révéler être l'ennemi. Alors l'époux s'absente dans le conte, confie les clés et les consignes à son épouse. C'est important, la clé. La clé, c'est le seul élément fée du conte de Perrault, le seul élément magique. Perrault nous dit qu'elle est un peu fée, c'est-à-dire qu'elle est magique, puisque quand on efface le sang d'un côté, il revient de l'autre. Le sang revient toujours, comme sur les mains de Macbeth. Vous voyez, l'océan pourra-t-il laver tout ce sang de mes mains? Et l'interdit de Barbe Bleue est vraiment un interdit sur lequel il faut s'attarder un instant. Parce que une des clés, la femme ne doit pas l'utiliser. C'est ça. Il lui donne son trousseau de clés en lui disant qu'elle peut ouvrir toutes les portes, qu'elle peut aller où elle veut, que tout lui appartient, mais qu'il y a une clé qui ne devra pas ouvrir la porte du petit cabinet qu'il lui montre. Autrement dit, il prononce à la fois l'interdiction et il explicite le moyen de la transgression. Ça rappelle l'interdit qui pèse dans le jardin d'Éden sur l'arbre dont on ne doit pas manger. C'est à la fois l'interdiction et les moyens de transgresser. Oui, mais enfin, c'est aussi la définition de la liberté. Parce que vous parlez de l'Ancien Testament, mais Saint Paul... Oui, Saint Paul. Saint Paul dit « Jamais je n'aurais connu la convoitise si la loi ne m'avait dit « tu ne convoiteras point ». Voilà la parole de saint Paul. Et c'est ici qu'on se trouve. Alors, évidemment, ça rappelle la curiosité d'Ève, mais ça rappelle aussi celle de Pandore. Ça rappelle cette espèce de curiosité insatiable. Vous parliez des dessins d'enfants que nous avons sous les yeux et qui le disent. « Elle est, dit une petite fille, devant la porte fermée. » Elle a désobéi, elle a envie et elle a peur. et elle a envie d'avoir peur, et ce désir et cette peur sont inextricablement liés. Elle pénétrera l'épouse dans la chambre et la colère de Barbe Bleue sera grande à son retour. Tout à ces clés que je vous donne, nous ouvrirons les horizons, mais celle d'or, grande couronne, parmi ces clés la plus petite, ouvre une porte interdite de notre château fort. Défense d'entrée, sous peine de mort. Madame, où sont mes clés? Et la petite clé de la chambre interdite? Monsieur, l'aurais-je oublié? Trouvez-la au plus vite. Craignez ma colère, pas à dire pour mourir. Mais alors faites vite, pas à dire pour mourir. Pas à dire pour mourir. Pas à dire pour mourir. Je vois le soleil qui poudroie, l'herbe qui verdoie. Pas à dire pour descendre. Seigneur, il faut attendre. C'est dans le film de Painlevé, toute l'histoire qu'on va déplier avec vous, Bernadette Bricout. Évidemment, si à la fin, Barbe Bleue met son épouse devant une épreuve terrible et décide de la tuer, il peut apparaître monstrueux. D'emblée, il n'est pas tant que ça. Il a des raisons d'être en colère. Non, il n'est pas monstrueux d'emblée, mais d'emblée, il suscite l'inquiétude. On sent que c'est un homme qui détient une énigme, c'est un homme dont la vie repose sur un mystère. Il y a une version orale qui le dit très fortement, c'est une version créole. Que nous dit-elle? L'homme a un secret, on ne sait pas ce que ces femmes sont devenues. Et donc, la jeune fille s'interroge, il est riche. Elle est séduite, il est séduisant, il n'est pas complètement antipathique. S'il n'était pas si séduisant, la question ne se poserait pas. Donc elle se demande si elle peut l'épouser, elle va voir sa mère. C'est toujours ce que font les filles dans ces cas-là. Et la mère lui dit, c'est très simple, fais-le boire, quand il dormira, quand il sera ivre mort, quand il dormira, tu le piqueras jusqu'au sang. S'il gicle du sang, c'est un homme et tu peux l'épouser. Mais s'il gicle du pu, c'est le diable. Alors la jeune fille fait ce que lui a dit sa mère, elle enivre l'homme s'endort et elle le pique. Et le pu gicle, il n'y a aucun doute, c'est le diable. Elle prend donc l'aiguille avec laquelle elle l'a piqué, elle se rend à la rivière, elle la lave soigneusement, elle se pique jusqu'au sang, elle va montrer l'aiguille à sa mère et elle lui dit « Tu vois, mère, je peux l'épouser, il est homme ». Donc dans cette version-là, dès le départ, on peut dire que la jeune fille sait bien qu'elle va au-devant de l'époux monstrueux. Comme vos étudiantes quand elles vous proposent des sujets de master, ravissantes et jolies elles sont, elles sur ce envie, sujet. Elles ont envie de l'approcher de très près. Alors, je reviens aux élèves de la classe primaire de Paris dont vous nous avez apporté les dessins. Eux, qui sont des esprits innocents, représentent la maison de Barbe Bleue comme un château, bien évidemment, où on imagine, on le voit nettement d'ailleurs dans leurs dessins, quantité de tours, quantité de portes aussi. Ah oui, la porte, c'est vraiment un motif capital dans ce conte. Il y a d'abord toutes les portes qu'elle aurait pu ouvrir, puisqu'elle a un trousseau de clés. Mais dans l'opéra de Béla Bartók, qui est peut-être parmi les opéras qui se sont inspirés de Barbe Bleue, celui que j'aurais le plus envie d'évoquer... Eh bien, vos désirs sont des ordres, bébé. On va entendre tout à l'heure Béla Bartók. Ah, c'est formidable. Encore un autre bébé. Eh bien, on est dans une... Il y a une salle unique... avec 7 portes. Cette salle est dans le noir. Et Judith, car elle s'appelle Judith, ce qui nous fait penser à Holoferne, va-t-elle décapiter l'époux? Eh bien, Judith veut ouvrir toutes les portes pour introduire de la lumière, et c'est ce qu'elle dit. Et Barbe Bleue, qui dans cet opéra n'est pas du tout présenté comme monstrueux, il essaie de l'empêcher d'ouvrir les portes, or elle ouvrira les 7 portes. Elle résiste, elle veut faire la lumière à tous les sens du terme, éclairer et peut-être éclaircir le mystère. Elle ouvre la première porte, celle qui ouvre la salle de torture, la porte des supplices, celle du désir de faire souffrir. Elle ouvre la porte de la salle d'armes, celle de la domination, de la conquête, la salle des trésors, symbole du luxe, de la richesse, de la corruption peut-être. Elle ouvre la porte du jardin, le goût du beau, le rêve esthétique. Vous voyez, c'est encore un visage ou un aspect de l'ego masculin. Elle ouvre la 5e porte, celle des immenses domaines de Barbe Bleue et des contrées fertiles, le domaine de la possession. Elle ouvre la 6e porte. Et là, c'est un lac de larmes. Elle est accueillie par un sanglot. C'est la porte du remords, de la culpabilité et aussi du souvenir inoublié, des amours anciennes. Ensuite vient la 7e porte. La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter. Le 4e épisode de notre série La planète des contes est aujourd'hui consacré à Barbe Bleue, le château de Barbe Bleue de Béla Bartók. Béla Bartók, bébé. Oui, Béla Bartók, bébé. Et la 7e porte s'ouvre. La 7e porte s'ouvre alors que Barbe Bleue a essayé vainement d'interdire à son épouse de l'ouvrir. Et les 3 épouses en sortent, 3 femmes qui représentent 3 âges de la vie, l'aurore de la vie, l'aurore de la jeunesse, le midi ardent de la plénitude et puis le crépuscule de la maturité. 3 âges de la vie de Barbe Bleue, 3 âges de la vie d'un homme. Et alors Judith comprend, mais trop tard, qu'elle sera la 4e épouse, l'épouse de la nuit. Et elle va disparaître dans le souterrain, et Barbe Bleue reste seule en scène. Judith, par sa soif de connaître, a tué son amour, ce qui est peut-être une manière de dire qu'à vouloir tout connaître de l'autre, immanquablement on le détruit. La clé est liée à la question de la transparence, et pas seulement à celle de la liberté. Ça veut dire qu'il y aura toujours une part d'ombre dans l'être aimé et qu'il faut savoir respecter. Enfin, c'est évidemment pas la seule signification de ce conte extrêmement riche, mais en tout cas dans le cas de Bartók, ça me paraît être un enseignement vraiment très fort. Alors, vous parlez de souterrain. Alors, parfois c'est une cave, parfois c'est une tour. Le thème d'ailleurs de la femme dans la tour, de la femme emmurée, c'est récurrent. C'est récurrent et c'est peut-être d'ailleurs le souvenir de rites très anciens où on emmurait des femmes ou des enfants, plus tard des animaux, mais on pouvait emmurer vivants des femmes ou des enfants pour préserver la pérennité des bâtisses, parce qu'on pensait que la femme était indispensable à la fondation de la maison. Voilà. Mais là, c'est autre chose. C'est vraiment de la prison qu'il s'agit. Du souterrain, du caveau, de l'enfermement. Un conte, disait Bachelard, c'est une maison avec un grenier et une cave. C'est dans une cave que va se passer l'épisode que je vais vous faire entendre maintenant et qui est issu d'une légende bretonne. Il ne s'agit pas de Judith, mais de Tréphine. Elle a épousé un roi qui s'appelle Comor. C'est une tradition qui vient du Morbihan et des Côtes du Nord tout aussi bien, qui a été formalisée par Émile Souvestre, le grand écrivain romantique, et qu'on entend ici, dite par un guide à Saint-Gilda-du-Ruy, dans le sud de la Bretagne. Il entra ainsi dans la chambre et il vit Tryphina en train de confectionner un joli bonnet de bébé. Le regard de Comor changea. Il devint terriblement dur et Tryphina fut effrayée. Elle dit à Comor que bientôt elle allait mettre au jour un enfant, que c'était le meilleur signe de leur amour, que c'était la promesse d'une grande joie. Et Comor la regardait encore de façon beaucoup plus dure. Alors Tryphina, éperdue, descendit, elle s'en alla vers la chapelle, elle descendit dans la crypte. Elle alla en direction des tombes des femmes précédentes de Comor. Et lorsque vint minuit, les quatre femmes mortes se dressèrent. Et la première dit à Tryphina, « Prends garde, Tryphina, le malheur est sur toi. » Et la deuxième dit à Tryphina, « Prends garde, Comor va te tuer. » Et la troisième lui dit, « Prends garde, Tryphina, dépêche-toi de retourner chez ton père. » Et Tryphina, à son tour, leur dit, « Mais comment pourrais-je m'en aller? Il y a d'énormes murailles à ce château. Je ne pourrai jamais les descendre. » Alors la faute, là, de la femme et des femmes précédentes, c'est d'être féconde, d'être enceinte. Oui, mais peut-être faut-il s'interroger ici sur précisément ce que le conte nous dit du pouvoir de cet époux monstrueux. La faute, c'est d'être enceinte. Mais la faute, c'est peut-être aussi, pour reprendre un mot que vous avez utilisé il y a un instant, j'allais dire de prendre la liberté de concevoir un enfant sans avoir la bénédiction du père ou l'aval du Seigneur. Au fond, ce qu'elles peuvent faire, ces femmes, dans la liberté de leur corps souverain, c'est mettre au monde un enfant. Et ce faisant, d'ailleurs, elles lui échapperont, parce que ça n'est plus Barbe Bleue qui sera au cœur de leur vie, ce sera l'enfant. Or, je vois que vous ne faites pas des contes la lecture féministe commune. On y reviendra. Oui, on y reviendra sans doute. Envie de faire un dernier épisode sur ce thème. Continuez. Oui, mais je repense à Barbe Bleue l'autorisant à ouvrir toutes les portes, sauf celle du petit cabinet dont il a donné la clé. C'est quelqu'un qui est extrêmement jaloux de son pouvoir. C'est quelqu'un qui définit ses rapports à l'autre par la domination, ce qui d'ailleurs a pu amener un certain nombre de commentateurs à se poser la question de la puissance ou de l'impuissance de Barbe Bleue. Mais dans le cas du roi Comor, apparemment, il est fertile. C'est un Breton fertile. Alors vient maintenant le temps de la course de vitesse, enfin ou plutôt de lenteur. Barbe Bleue attend que son épouse descende les degrés de l'escalier pour la tuer, et elle a fait avertir ses frères, et sœur Anne surveille depuis le haut des murailles. Les frères arriveront-ils? Attends, sœur Anne, ne vois-tu rien venir? Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Oui, Sœur Anne, c'est aussi un personnage extrêmement mystérieux du conte. C'est d'ailleurs la seule avec Barbe Bleue qui porte un nom. Et elle survivra au conte, elle connaîtra, elle aussi, une postérité considérable, puisqu'on peut aujourd'hui, en tout cas dans la langue française, faire référence à Sœur Anne en ayant à peu près tout oublié de l'histoire. On avait fait un micro-trottoir pour savoir qui était ce Rane. Et les gens répondaient, c'est quelqu'un qui attend, vous voyez, entre Jacques Brel qui attend Madeleine, et puis le désert des Tartares de Buzzati, et puis la chanson d'Edith Piaf, qui porte le nom de ce Rane. Eh bien, elle est de ces personnages qui attendent. D'abord, elle aussi, elle est très ancienne, puisqu'au fond, la première, ce Rane, que d'ailleurs connaissait bien Perrault, puisque c'est un latiniste éminent, c'est peut-être celle qui surgit aux côtés de la reine Didon lorsqu'Énée l'abandonne. Anna Soror, Anne, ma sœur, quel tourment me taraude et me tienne en suspens. Donc c'est une figure de l'attente, c'est une figure de la conscience, et elle n'existe dans le conte que comme agent de liaison entre l'intérieur et l'extérieur. D'ailleurs, elle tient un rôle que, dans les contes traditionnels, tenaient très souvent des animaux, et particulièrement des oiseaux. Mais ça peut être un chien, un oiseau, un coq. Oui, ça peut être un chien, ça peut être un oiseau, ça peut être un coq, ça peut être trois colombes qui ont été données à l'héroïne par sa mère lorsqu'elle a épousé cet homme périlleux. En tout cas, ce sont des animaux qui, aux lisières du conte, commente l'action des hommes. C'est cette petite chienne à laquelle on demande « Cellette, ne vois-tu rien venir ? De vers Nantes, de vers Paris ?» Et Cellette répond « Je ne vois rien que la poussière volée et les chevaux déferraillés. » C'est un animal qui commente et qui, pour moi, tient vraiment dans le conte le rôle du cœur antique. Il y a un conte de Champagne qui s'appelle « L'oiseau dit tout ». Oui, « L'oiseau dit tout ». Et les oiseaux sont très souvent dans les contes dotés du don de prophétie. C'est-à-dire que non seulement ils commentent l'action des hommes, mais ils ont la mémoire des crimes du passé. C'est par exemple le conte du Genévrier. Mon père m'a tué, ma mère m'a mangé, ma petite sœur m'a tant pleuré, mais cui, je suis encore en vie. Et ils ont très souvent un don de prédiction. C'est-à-dire que pour qui sait les écouter, ils peuvent prédire l'aventure à venir. Ils connaissent le fil des destinées. Vous voyez, ils ne sont pas si éloignés du savoir des parcs. Voilà. En tout cas, ils en savent plus que nous sur l'aventure humaine. Mais pour Bruno Bettelheim, bébé encore, tiens, c'est normal parce que l'enfant qui écoute les contes, il imagine que les pierres, les torrents sont vivants et que les animaux sont absolument égaux des hommes. Et peuvent être d'excellents commentateurs de la vie de l'univers. Bien, c'est vrai que le conte merveilleux, et c'est pas l'un de ses moindres mérites, abolit toutes les cloisons dont notre monde est hérissé. Et c'est une approche qui correspond parfaitement à l'intelligence de l'enfant. La pierre est vivante puisqu'elle roule, le torrent est vivant puisqu'il dévale le ravin, et non seulement les êtres humains, mais les animaux, mais les oiseaux, mais les plantes elles-mêmes parlent. Et on a tendance à considérer que plus les animaux et plus les plantes parlent dans les contes, et plus on a affaire à des versions anciennes, marquées au coin du merveilleux, et qui n'ont pas été encore frappées, en quelque sorte, par la rationalisation. Aujourd'hui, les messageries ont remplacé les messagers animaux, mais les enfants ne sont pas encore frappés par la rationalisation. Et les femmes, peut-être moins que les hommes. Alors, vous nous avez donné, là, le thème de demain, un peu plus tôt dans l'émission. Oui, parce qu'on a parlé du pouvoir de Barbe Bleue et de sa jalousie de la domination, mais on va s'apercevoir que, contrairement à une idée reçue, les femmes ont plus d'un tour dans leur sac, et d'ailleurs le proverbe le dit, quand le diable entre dans la danse, la femme a pris 100 pas d'avance. Alors là encore, on pourra peut-être revenir sur un certain nombre d'idées reçues. Cinquième épisode, demain, je recommande vos livres, Bernadette Bricou, La clé des contes, déjà cité aux éditions du Seuil, et plus récemment, La mémoire de la maison. L'émission était préparée par Martin Cellier, avec à la réalisation Jacques Sigal, à la technique Guillaume Roux.